Bon, ben, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans pour la Noche Flamenca. Et ça recontinue pour de nouvelles chansons. Si vous voulez venir à l'APF de Domingo, dimanche, le mois de janvier 2020, vous venez à la Galette des Rois espagnols. On reçoit, il n'y a pas de problème. Vous buvez un coup de cidre, vous mangez la galette avec, et du chocolat chaud pour la galette. Venez, on vous attend à Radio Arc-en-Ciel, à la PF d'Orléans, vous venez, au 108 Route de Bourgogne, au 3e étage. On vous attend à manger la galette. Allez, venez, venez. Mira, y yo la miraba a ella, y su papá comprendía. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Flamenca. Si vous désirez venir à l'APF d'Orléans le dimanche, le 12 janvier, l'APF organise une galette des rois avec du cidre et du chocolat chaud. Venez, on vous attend pour la galette au 108 Route de Bourgogne, au 3e étage. Venez, on vous attend pour la galette. Venez, venez, venez. Et on boit un coup. À voix, à voix. final por Salón Obrero. Cambiate el sol por la luna, ay, ay, ay, ay, agua final por Salón. Por una laguna, y el oro fino por cobre, ay, media naranja. Bon, ben vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans. Pour la note chez Flamenca, et ça continue pour de nouvelles chansons. Olé, olé, c'est parti! La sombra de tus paredes. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel organise le 19 janvier 2020 une grande galette, des galettes des rois. Si vous voulez venir à la galette des rois portugaise, vous venez. Autrement, c'est à la salle de Radio Arc-en-Ciel. Vous venez manger, il y a un bal aussi. Il y a le bal aussi. Venez manger la galette des rois avec les Portugais, même Français, vous voulez venir. On vous invite à manger la galette des rois à Radio Arc-en-Ciel. Le 19 janvier 2020, vous venez, on vous attend. Mangez la galette et c'est très bon pour la santé. Avec un petit coup de cil, c'est normal. Hein. Venez manger la galette. Thank you. noche tú sueñas conmigo. ¿Y por qué no puedes vivir sin mí? ¡Ay! Que tú volverás y tú me dirás, ay, te perdoné, ay, yo te diré, ay, yo te diré, ay, no volveré nunca más que. Y me besarás, yo a ti te besaré. Bon, bah, vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Chef Flamenca. Si vous désirez venir le 12 janvier à la Radio Arc-en-Ciel, non pas Radio Arc-en-Ciel, au 108 Route de Bourgogne, au troisième étage, vous venez manger exactement la galette des rois, boire un coup de cidre et du chocolat chaud. Vous venez, on vous attend pour la galette des rois au 108 Route de Bourgogne. Au troisième étage, c'est fait par l'APF d'Orléans. Venez, on vous attend. La mano mi me duele, ay, ay, ay, yo me he perdido hoy entre un sueño y otro. Ay, ay, ay, ay, y por la mano arrugada. No. en casada y yo la vendo por un qué y caracoles mocito que ha dicho usted que son tus ojos sales y vamos viviendo y olé. Bon, bah vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel. Radio Arc-en-Ciel organise le 19 janvier 2020 la galette des rois avec tous les gens qui veulent venir portugais ou même français à la galette des rois à la salle Radio Arc-en-Ciel. Vous venez, vous buvez un petit coup de cidre, la galette et il n'y a pas de problème. Et en plus, il y a un bal. Ah, vous venez, on vous attend. À Radio Arc-en-Ciel. Olé! Anoche en tu ventanita, anoche en tu ventanita, llorando me dio la corazón de piedra dura, corazón de piedra dura. Mirarte a la cara, hoy lloré cuando te vi, mira qué cosa más rara, mira qué cosa más rara. yo sigo con mi pena. Dile esa mujer que ría que yo sigo con mi pena. Dile que yo no la olvido y porque para mí ha sido muy buena. El tiempo que toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie, pour la noche flamenca. Il est 19h59. Je vais vous dire buenas noches et à lundi pour le balcon d'Espagne. Buenas noches. Buenas noches et à lundi pour le balcon d'Espagne. Buenas noches.